Le vendredi 5 août, il est 12h30, voici vos informations. D'abord, la caserne de pompiers qui avait été promis par le maire Labeaume aux Haïtiens prend du retard, d'un retard de plus d'un an et demi. Des embûches administratives seraient à l'origine de ce retard, c'est ce qu'on apprend dans le Journal de Québec. Rappelons que c'est lors d'un voyage en Haïti, il y a 4 ans, que le maire Régis Labeaume avait pris la décision d'aider les pompiers de Port-au-Prince. Il s'était dit touché par les conditions précaires dans lesquelles les pompiers rencontrés travaillaient. Les travaux de reconstruction qui étaient prévus pour débuter en janvier dernier. Ils ne commenceront finalement pas avant juin 2017 et la caserne neuve devrait être prête au mieux qu'à l'été 2019, soit 9 années après le séisme qui a fait plus de 240 000 morts en Haïti. Chez nous, les prochaines festivités du 31 décembre seront bonifiées. La Ville de Québec a confirmé qu'un projet spécial de plus grande envergure était en préparation. Le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, avait le premier évoqué hier une fête enrichie afin de marquer le passage à l'année 2017 où on va célébrer les 150 ans de la Fédération canadienne. Le politicien qui n'a pas souhaité s'avancer davantage sur les nouveautés, affirmant que des annonces étaient à venir. On sait que la fête du 31 décembre, organisée par Action Promotion Grande Allée, ne cesse de prendre de l'ampleur en attirant un public toujours plus large. Et bilan négatif pour l'emploi au Québec en juillet. La province a perdu près de 20 000 emplois à temps plein. Elle en a gagné un peu plus de 15 000 à temps partiel pour une perte nette de 4 000 emplois, selon les chiffres révélés aujourd'hui par Statistique Canada. Le taux de chômage qui s'est tout de même maintenu à 7 % dans la province. La tendance est à la hausse sur une année pour ce qui est du taux de chômage. Et le Québec qui conserve une place enviable tout de même au chapitre de la croissance de l'emploi au pays. Et à l'international, les yeux du monde entier sont rivés sur la ville de Rio, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Une cérémonie qui risque d'être un peu plus modeste que par les éditions précédentes. Le réalisateur brésilien Fernando Meirelles doit composer avec un budget 12 fois inférieur à celui des Jeux de Londres il y a 4 ans et même 20 fois inférieur à celui de Pékin en 2008. Une cérémonie qui avait été assez démesurée cette année-là. Des contraintes financières qui s'expliquent entre autres par la crise économique et politique qui secoue le Brésil présentement. Le spectacle de 4 heures qui devrait faire la part belle à l'histoire du pays. La thématique des changements climatiques pourrait, elle aussi, s'imposer, puisque le Brésil, on le sait, est traversé par la forêt amazonienne, le deuxième poumon de la Terre. Voilà qui complète ce bulletin d'information. C'était Dominique Lelièvre pour CKRL. 89.